Les premiers apôtres. Jésus est devenu un homme. Il vient d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, son cousin. Rempli de l'Esprit-Saint, il part sur les routes et annonce partout que le royaume de Dieu est proche. En tout lieu, il parle de Dieu, son Père. Il guérit les malades et chasse les esprits mauvais. Un matin, Jésus arrive sur les bords du lac de Tibériade. Les gens se bousculent pour l'écouter. C'est alors que Jésus aperçoit deux barques près de la rive. Il saute dans la plus proche, celle de Simon et André. De là, ce sera parfait. Tout le monde pourra le voir et l'entendre. Tandis que la barque s'écarte un peu du rivage, Jésus s'assoit et commence à parler. L'écho de ses paroles est porté par les flots. La foule installée sur la rive écoute, émerveillée. Quand Jésus a fini de parler, il se tourne vers Simon et lui dit « Avance vers le large et lancez vos filets. » Simon et André se regardent, ils hésitent. « Maître, répond Simon, nous avons passé toute la nuit à pêcher et nous n'avons rien pris. Mais si tu nous le demandes, nous allons lancer encore une fois nos filets, » ajoute-t-il avec confiance. Bientôt, les voiles se gonflent et la barque s'éloigne. À bonne distance, Simon et son frère lancent leurs filets. Au moment où ils les remontent, quelle surprise ! Ils sont pleins à craquer de poissons. Impossible de les hisser à bord. Simon et André appellent leurs amis de l'autre barque. « Hé, Jacques, Jean, venez nous aider !» Oh, hisse ! Les quatre hommes tirent de toute leur force. Ils remontent tant de poissons que les deux barques menacent de prendre l'eau. Ils n'ont jamais vu une pêche pareille. Alors, Simon tombe à genoux, aux pieds de Jésus, et s'écrie « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » « Ne crains rien, Simon, lui répond Jésus. Ce ne sont plus des poissons que tu prendras maintenant, mais des hommes. » De retour sur la plage, Jacques, Jean, Simon et André laissent tout et partent avec Jésus. Ils ont trouvé le Seigneur. Maintenant, ils ne veulent plus le quitter. Jésus choisit 12 hommes pour l'aider à annoncer le royaume de Dieu. Après Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, André, Jacques et Jean, Jésus appelle aussi Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, un autre Jacques, Simon le Zélote, Thaddée et Judas Iscariote, celui qui le trahira. On les appelle les apôtres. Toujours sur les routes avec Jésus, ils voient de leurs yeux les merveilles qu'il accomplit. Envoyés dans le monde entier, ils iront proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Dieu aime tous les hommes et vient les sauver.